إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, on va commencer donc ce premier cours dans la lecture d'un livre qui a été, en fait, à l'origine, c'est une session qui a été faite avec Cheikh Ubayd al-Jabiri de questions et réponses. Et c'est des questions et réponses autour du sujet de la façon dont on doit agir ou des règles par lesquelles ou les règles auxquelles on doit s'accrocher, les règles qu'on doit respecter par rapport à la façon dont on doit se comporter envers les gens de Ahlus Sunnah et envers les gens de les gens de la fausseté, les gens de la bid'a, les gens de la fausseté. Donc c'est pour connaître en fait la ligne qui sépare entre comment on doit agir avec les gens de la Sunnah et la façon dont on doit agir avec les gens de la bid'a. Donc, on va commencer tout de suite à lire les questions et les réponses. Et c'est un livre qui a été retranscrit des audios du Cheikh et qui ont été publiés par la suite. Et il y a dans ces questions et dans ces réponses des choses vraiment bénéfiques, des choses vraiment fondamental à comprendre pour toute personne parmi les salafiyin, parmi les tullab ilm qui veulent avoir une voie, une méthodologie claire par rapport à ces questions-là et qui veut éviter de tomber dans l'égarement et l'extrémisme dans ces questions-là parce qu'on voit de la part de certains l'attitude du tamir. L'attitude du tamir, c'est-à-dire qu'ils veulent agir avec douceur avec les gens de bid'a et ne pas s'écarter d'eux, les fréquenter et se mélanger à eux et ne pas faire de distinction entre Ahlul Sunnah et Ahlul Bid'a et qui adoptent l'attitude des Ikhwan avec les Mubtadi'a. Donc ça c'est une attitude qu'on appelle l'attitude du tamir, les gens qui veulent dissoudre ou bien diluer la pureté de la salafia, la pureté du manhaj des salafs envers les mubtadi'a pour la rendre quelque chose de plus faible. Et on a l'autre attitude extrême des haddadiyya, et c'est ceux qui agissent avec les gens d'Ahlul Sunnah et les gens d'Ahlul Bid'a comme si tout le monde était sur la bid'a et qu'ils ne respectent pas les ulama d'Ahlul Sunnah et que les imams des salafs, même s'ils font quelques erreurs, ça y est, c'est suffisant pour eux pour les dénigrer et les rabaisser et leur manquer de respect. Et en réalité, c'est haddadiyya, où on a dit ce sont des khawarij qui se camouflent souvent. Donc on va commencer avec la première question. La première question qui a été posée au Cheikh Ubayd, hafizahullah, السؤال الأول فضيلة الشيخ هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أن أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه أم يرد عليه عالم مثله، حيث إن بعض الشباب يتجرأ على الرد على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محذورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو. بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. Donc la question qui a été posée au cheikh c'est si un savant fait un savant parmi les grands savants fait une erreur, est-ce qu'il est permis et est-ce que c'est acceptable qu'un d'entre les jeunes réfute son erreur, hein, lui réfute son erreur, ou est-ce que c'est un savant comme lui qui doit le réfuter? Parce qu'il y a certains, jeunes qui osent réfuter la fatwa de certains savants qui ont parfois été faites, parfois c'est des fatwas qui ont été faites qui sont incorrectes, hein, qui sont erronées, ou bien parfois un savant a fait cette fatwa par rapport à une nécessité ou à une sagesse qu'il avait considérée. Barakallahu fikum. Donc on espère de vous la réponse à cette question. Et le cheikh il commence sa réponse, cheikh Ubaid, avec l'introduction, d'envoyer la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, de mentionner la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans partenaire, et que c'est lui l'allié des pieux, le seigneur des gens de bien. Et il dit, je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et le maître des fils d'Adam, le maître de tous les fils d'Adam, paix et salut sur lui ainsi que sur ses fidèles, sur sa famille, qui sont parmi les gens de bien, qui sont purifiés, et que bénédiction soit sur lui jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la rétribution. Donc le cheikh il dit amma ba'd, ensuite amma ba'd fa inna ma sa'altum anhu yunzaru ilayhi min wajhayn kama yunzaru ila man sadarat anhu tilka al-maqula al-khati'a min wajhayn aydan wa hakadha ahlu as-sunnah yanzuruna ila al-mukhalafati wa ila al-mukhalif. Donc le cheikh il commence à dire que il faut regarder la question au sujet de laquelle vous avez demandé, il faut la regarder de deux points de vue. Et il faut regarder également l'erreur de la part, ou la fatwa de la part, plutôt l'erreur de la part de qui elle s'est produite, c'est-à-dire qui a fait cette erreur. On regarde ça aussi de deux points de vue. Donc, on regarde l'erreur de deux points de vue et on regarde la personne qui a fait l'erreur aussi de deux points de vue. Donc, le cheikh, il dit, c'est ainsi que les gens de la sunna, ils regardent, toute chose qui est en contradiction, ils regardent cette contradiction-là et ils regardent la personne qui a contredit. Hein? Et on la regarde, comme le cheikh a dit, de deux points de vue chacune. Deux points de vue pour l'erreur elle-même et de deux points de vue pour la personne qui a fait l'erreur. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par ces deux exemples ou ces deux points de vue-là. فالمخالفة لا تخلو من حالين، إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ الاجتهاد، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه، لأنه تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة، وأجمع عليها الأئمة. أو كانت في حكم الإجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه، وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر النصوص أو أمر النصوص تحتمل وتحتمل. Donc le cheikh il commence en disant que si on regarde l'erreur elle-même et la contradiction elle-même, eh bien, elles ne sont pas de deux cas, deux exemples. Soit que c'est une erreur, une contradiction dans une question dans laquelle il est permis ou il est correct de faire l'ijtihad. Hein? Et le cheikh, il dit, peu importe que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les branches de la religion, parce que les textes du Coran et de la Sunna sont nombreux par rapport à cette question-là. Et les savants, les imams de la Umma sont réunis sur cette question-là, ils sont d'accord. Comme ils se sont mis d'accord, il y a un consensus sur cette question. Hein? Comme si elle était dans le même jugement que la question du consensus. Et que la personne qui a contredit, elle n'a pas de texte pour laquelle elle peut, ou par lesquels elle pourra renforcer sa position ou son point de vue. Et il dit, ou bien que sa contradiction ou son erreur, elle a été faite dans une question, donc dans laquelle il est permis ou il est capable il est possible de faire l'ijtihad, et dans laquelle les textes, c'est possible qu'elles aient cette signification-là ou cette signification-là. C'est possible que les textes soient compris de différentes façons. Donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh essaie de faire comprendre. C'est que, soit que tu fais l'ijtihad dans quelque chose que tu ne peux pas faire, soit que l'erreur a été faite dans quelque chose dans laquelle tu ne peux pas faire l'ijtihad, ou que l'erreur a été faite dans quelque chose que tu peux faire l'ijtihad. C'est pour ça qu'il explique de cette façon que si c'est une erreur dans les fondements, ou dans certains aspects sur lesquels il y a un ijma, où les textes sont clairs, ça c'est pas correct, tu peux pas faire, tu peux pas accepter l'erreur dans ces questions-là, parce que tu peux pas faire l'ijtihad dans des questions comme ça. Tandis que si c'est des questions sur lesquelles il y a des textes, mais que les textes peuvent impliquer plusieurs significations ou plusieurs choses, donc dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Et c'est ce que le cheikh va expliquer maintenant. Il dit, fal as-sinful awwal wa huwa alladhi la yasughu fihi al-ijtihad fa inna al-khilaf fihi ghayr sa'ir. غير سائر وغير سائر أبدا ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. Donc le cheikh dit, la première catégorie c'est la catégorie dans laquelle on ne peut pas faire d'ijtihad. C'est lorsque il y a par exemple des questions qui sont dans les fondements de la religion et que les textes sont rassemblés, et il y a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna sur cette question-là, et que les savants sont d'accord sur cette position, ou bien qu'il y a un consensus sur cette question-là, et que la personne qui a contredit ces textes-là, elle n'a pas de texte solide par lesquels elle s'est supportée pour renforcer sa voix ou sa position. Donc, ça, c'est des exemples dans lesquels il n'est pas permis de faire une divergence, et dans des erreurs comme ça, eh bien, elle doit être, le cheikh il dit, elle doit être dans ce cas-là réfutée, elle doit être réfutée, peu importe qui a fait cette erreur-là, si c'est dans cette catégorie-là. Ensuite, le cheikh il dit, ثُمَّ هَذَا الْمُخَالِفْ لَا يَخْلُو عَنْ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلَيْنِ. Puis ensuite, la personne qui a fait cette erreur, c'est une des deux personnes suivantes. C'est un des deux cas, parmi les catégories de personnes, c'est une des deux suivantes. إما أن يكون صاحب سنة وعرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا منه النصح للأمة فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين فنحن نرعى هذا نرعى هذا كله. Donc on va commencer par traduire ce que le cheikh vient juste d'expliquer. Donc il dit soit que la première possibilité par rapport à la personne qui a commis cette erreur dans les choses dans lesquelles on ne peut pas faire l'ijtihad, eh bien c'est donc la première catégorie de personnes parmi ceux qui ont fait des erreurs dans lesquelles on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, c'est la personne qui est sur la sunna. Et les gens ont connu à son sujet que cette personne-là est sur la droiture. C'est une personne qui est établie et ferme sur la sunna. Et qui défend la sunna. Qui défend la sunna et les gens de la sunna. Et on a connu de lui que c'est une personne qui est sincère, qui veut le bien pour la Ummah. Qui veut le bien, qui est sincère envers la Ummah. Alors cette personne-là, on ne va pas la poursuivre sur son erreur. On va préserver son honneur. Et même si on réfute sa contradiction, on va réfuter son erreur et sa contradiction, mais quand même, on va agir avec des bonnes manières avec lui. Et on va préserver son honneur et on va pas le critiquer, ou lui manquer de respect, comme on va manquer de respect envers les mubtadi'a parmi les égarés, par exemple. On va pas le traiter comme les mubtadi'a égarés, par exemple. Et il dit ça, c'est pour ça la raison pourquoi on va agir de cette manière-là, c'est pour tenir compte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme faveur dans ce qu'il a fait précédemment et par rapport au mérite qu'il avait pour qu'est-ce qu'il a fait précédemment et à cause de le statut qu'il a puis la valeur qu'il a, le fait qu'il est un imam dans la religion. Donc nous on va tenir compte de tout ça. Et le cheikh il dit فَإِذَا نَظَرْتَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى السُنَّةِ يَشْهَدْ لَهُمُ النَّاسِ فِي مَحْيَاهُمْ وَكَذَلِكَ نَرْجُوا أَنْ يَكُونُوا بَعْدَ مَمَاتِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ حَدَثَتْ مِنْهُمْ أَخْطَأَ وَزَلَّتْ بِهِمُ الْقَدَمُ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ الْمُعَاصِرُونَ لَهُمْ وَاللَّاحِقُونَ لَهُمْ مَعَ حِفْظِ كَرَامَتِهِمْ وصيانه أعراضهم وصيانه أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. Donc le cheikh il explique وصيانة أعراضهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. Donc le cheikh il dit, si tu regardes pour plusieurs des grands imams de la sunna, plusieurs des imams qui sont sur la sunna, on témoigne à leur sujet durant leur vie, et de même qu'on espère que ce soit également un bon témoignage aussi après leur mort, inshallah, que lorsque des erreurs ont été commises de leur part, et qu'ils ont glissé ou qu'ils ont fait une erreur, leur pied a glissé dans une question en particulier, eh bien, leurs contemporains les ont réfutés, de même que ceux qui sont venus après, ils les ont réfutés tout en gardant et en préservant leur honneur et en gardant leur honneur, leur respect, et sans leur manquer de respect ou s'attaquer à eux personnellement, avec des expressions dures et des paroles pour les blesser ou des choses comme ça. Ensuite le cheikh il dit wa amma an yakuna hadha al mukhalif alladhi khalafa fi amrin la yasugh fihi al ijtihad walakinahu khalafa qad yakunu hadha khalafa inadan wa istikbaran wa tarafu'an 'an al haqq wa insiyaqan wara al hawa فهذا لا كرامة له عند أهل السنة. يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه البدعة والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول. Et non, donc le cheikh il dit sauf si, cette personne qui est dans la contradiction, qui a opposé, hein, qui a opposé la vérité dans une question quelconque dans laquelle on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, mais il est venu en contradiction, hein, avec la vérité, c'est possible que cette personne ait fait une contradiction et ait opposé la vérité par orgueil, par arrogance et en opposition, hein, obstinée contre la vérité. Hein, il a contredit la vérité de façon obstinée, avec orgueil et arrogance. Il s'élève sur la vérité. Hein, il refuse de l'accepter. Et il a suivi la passion. Il a couru derrière la passion. Il dit, le cheikh, celui-là, il n'a aucun respect, hein, par rapport aux gens de la sunna. Les gens de la sunna ne lui donnent aucun honneur. Et il réfute sa parole. Hein, et il le critique et il le blâme. Hein, il le dénigre. Et il le décrive par la bid'a et l'égarement. Et ils mettent en garde contre lui. Et ils ont des paroles dures à son sujet. Hein, il parle de lui de façon dure et sévère. Il dit ensuite, illa iza tarattabat mafsadatan akbar min al-maslahati al-marjuwa fa innahum yaktafuna bi radd khata'ihi wa yuhadhdhiruna fi anfus wa yuhadhdhirunahu fi anfusihim wa hadha idha kana dhalikum al-mubtadi' ad-dhal lahu fi al-baladi wa ahlihi as-sawla wal-jawla والكفه الراجحه والشوكه القويه كان يكون مفتي البلد او وزيرا من الوزراء مثل وزير الاوقاف او وزير العدل او من المقربين من الدوله او من العلماء الموثوقين بهم عن الدوله ونحن مستضعفون فان لا نصفه بشيء من هذا نقول هذا خطأ أخطأ الشيخ فلان في كذا لا نقبله منه ولا نقبله منه العبرة في الدليل الدليل عندنا على خلافه. Donc le cheikh il dit que on va répondre à cette personne qui rejette la vérité ou qui contredit la vérité avec arrogance, avec fierté, avec arrogance, avec orgueil, hein, et qui suit la passion, hein, qui s'élève au-dessus de la vérité, celui-là, on va le réfuter avec dureté, et ainsi de suite, excepté si ça va ramener un méfait plus grand que le bienfait qu'on espère avoir. Donc, si ça va ramener un méfait et un mal plus grand, dans ce cas-là, on se limite uniquement à réfuter son erreur. Hein, et on s'avertit à son sujet entre nous. Hein, on s'avertit à son sujet entre nous. Mais, on se limite à le réfuter, c'est tout. Parce que, il dit le cheikh, ça c'est lorsque ce mubtadi égaré, il a un certain poids, une certaine force dans le pays où il est. Donc, ce mubtadi qui oppose la sunna, il a le poids plus lourd dans la balance. C'est-à-dire, là où il est, il a un poids, il a une force, hein, et c'est lui qui a l'autorité. Par exemple, dans un pays où c'est lui qui est le mufti, ou par exemple, c'est un ministre parmi les ministres. On va dire que c'est le ministre des affaires religieuses, ou le ministre de la justice, ou des choses comme ça. Ou bien quelqu'un qui est proche de l'État, hein, ou bien que c'est quelqu'un qui est considéré dans ce pays-là comme faisant partie des savants en qui ils ont confiance et auxquels ils se réfèrent Donc, c'est quelqu'un dans le pays, il a une autorité, un poids, un respect. Et que nous, dans cet endroit-là, on est faible. Hein? Et qu'on n'est pas capable de le décrire par quoi que ce soit de ce qu'on a mentionné. Comme par exemple de dire qu'il est sur la bid'a, ou de dire que c'est un mubtada, un égaré, ou des choses comme ça, puisque ça va ramener des conséquences et des méfaits. Hein? Des conséquences négatives et des méfaits plus grands. Donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, tu réfutes uniquement son erreur. Tu dis, ça, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une erreur. Le cheikh, un tel, il a fait une erreur. On n'accepte pas cette erreur-là de lui. Hein? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'on prend en considération? C'est la preuve. Hein? Et la preuve, pour nous, est en contradiction avec ce qu'il a dit. Hein? Et le cheikh, il dit, « وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّدْ عِلْمِيًا » ويستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات والعبارات النابيات التي تجعل السامعين يتقززون منها وينفرون منها ويزهدون في الحق الذي عندنا أو الحق الذي عندكم لما يسمعون من عبارات في غير محلها لا تليق بطلاب العلم. Donc le cheikh il dit, il est donc obligatoire de le réfuter, mais de le réfuter de façon scientifique, en se retournant ou en se reposant sur le Coran et sur la Sunna. Selon la compréhension des salaf salih, et loin des altercations et des expressions qui sont blessantes ou qui sont dures et qui vont faire que les auditeurs ou ceux qui vont entendre cette réfutation-là seront écœurés ou dégoûtés, hein, et qui vont les faire fuir. Donc, il ne faut pas employer ce genre de langage. Parce que ça va faire en sorte que les gens vont s'enfuir et s'éloigner de la vérité qui est avec nous. Hein? Ou bien la vérité qui est avec vous. Hein? Et donc, pourquoi? À cause des expressions ou des paroles qu'ils vont entendre, hein, qui sont pas à sa alors qui ne sont pas à leur place et qui vont qui ne sont pas c'est pas des paroles qui conviennent aux étudiants en sciences. Ce sont pas des paroles qui sont convenables pour des étudiants en sciences. Le cheikh il dit ensuite, فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح يجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفطنوا إليه. Donc le cheikh il dit, la réfutation qui est basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, eh bien, elle fait paraître clairement et elle fait éclater la vérité. C'est-à-dire, elle fait la vérité paraître éclatante. Et elle détruit complètement le faux. Hein? Et la personne qui est juste et honnête, elle l'accepte. Et elle ne va pas disputer à son sujet, même si les personnes qui entendent cette réfutation-là aiment la personne qui a fait cette erreur, hein, qui est réfutée. Et ça, le cheikh, il dit, ça c'est quelque chose dont on a fait l'expérience, hein, réfléchissez là-dessus. Hein, barakallahu fikou. Donc, c'est-à-dire que quand tu réfutes quelqu'un parmi ces gens-là, que les gens respectent, parmi des individus qui sont dans un pays où ils ont une force, hein, et un pouvoir, et qu'ils font des erreurs, ou qu'ils ont des choses contraires à la vérité et à la sunna, et que ce sont des innovateurs, mais que pour éviter un plus grand mal, tu vas les réfuter sans les dénigrer et sans ni les attaquer ou leur manquer de respect, eh bien, tu te bases sur les preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des salafs, et les gens, même s'ils aiment cet individu qui est sur l'égarement ou sur la bid'a, eh bien, ils vont quand même être, s'ils sont honnêtes, accepter la vérité. Ils ne vont pas disputer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé. Le cheikh dit, on a déjà expérimenté ça, et les gens qui sont sincères, ils acceptent en général la vérité quand on leur présente de cette façon-là. Deuxième catégorie, le cheikh il dit, la deuxième catégorie de contradiction, hein, ou d'opposition à la vérité, il dit والنوع الثاني من المخالفات في أمر, les divergences, la deuxième catégorie de divergence ou d'opposition à la vérité, il dit في أمر يسوغ فيه الاجتهاد, c'est-à-dire dans une question dans laquelle on a le droit de faire l'ijtihad, on peut faire l'ijtihad. C'est-à-dire, on a parlé dans la première partie, là maintenant, de l'erreur au sujet de laquelle on ne peut pas faire l'ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme on a dit, il y a des fondements. Ça fait partie des bases dans la aqida, dans le manhaj. Ou bien, les preuves à son sujet sont très très très nombreuses. On ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les ignorer. Ou bien, qu'il y a un ijma des salafs, hein, ou des imams sur cette question-là. Et des choses qui ressemblent à l'ijma dans le sens que c'est quelque chose qui, il y a des accords entre un grand nombre de savants. Et la personne qui vient en opposition avec la vérité, elle n'a pas de texte pour se supporter, qui sont forts ou qui pourraient supporter ou renforcer son point de vue ou son opinion. Donc, ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui, dans des cas comme ça, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Parce que c'est clair, la vérité est claire là-dedans. Et une fois qu'il y a des preuves dans une question, on n'a plus le droit de faire l'ijtihad. L'ijtihad, c'est uniquement permis lorsque il n'y a pas de texte clair et explicite sur une question. Il n'y a pas d'ijma', il n'y a pas de grand nombre de preuves explicites et claires qui ne peuvent avoir qu'une seule signification. Hein, donc, dans des cas comme ça, on a le droit, les savants, hein, pas n'importe qui, les savants, ont le droit de faire un ijtihad. Et ils peuvent diverger dans des questions comme ça. Et donc, le cheikh, il explique. Il dit, « فَأَنْتَ تُبَيِّنُ قَوْلَكَ حَسْبَ مَا تَرَجَّحَ عِنْدَكَ وَلَا تُشَنِّعْ عَلَى الطَّرَفِ الْآخَرِ وَلَا تُحَذِّرْ مِنْهُ وَلَا تَصِفْهُ بِالْمُبْتَدِعِ الضَّالِ وَلَا الزَّائِرِ ولكن تقول الصواب عندنا كذا وعلى سبيل المثال الترتيب في الوضوء فالجمهور على وجوبه ومن ذلكم الإمام أحمد وأصحابه رحم الله الجميع والأحناف ومن وافقهم على أنه لا يجب فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب ومن غير إغلاظ في القول نقول الراجح عندنا أو أرجح القولين الوجوب. Hein? Donc le cheikh il explique très bien comment on doit agir dans des questions, hein, dans lesquelles il y a des divergences et sur lesquelles il peut y avoir ijtihad, dans lesquelles il peut y avoir, hein, des efforts de la part des hommes de science pour arriver à trouver la vérité par rapport à des analogies et par rapport aux principes et au fondement de la charia. Parce qu'il n'y a pas de texte clair et explicite qui mentionne quoi faire, ou bien que les textes qui sont mentionnés sur la question peuvent avoir plus qu'une signification. Donc, dans des cas comme ça, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, toi, tu mentionnes ta position selon ce qui est plus proche de la vérité pour toi. Mais tu ne vas pas dénigrer, hein, ou manquer de respect à l'autre opinion ou à l'autre, hein, à l'autre position qui contredit la tienne. Et tu ne vas pas non plus mettre en garde contre cette opinion-là, et tu ne vas pas décrire la personne qui a une opinion opposée à la tienne dans cette question-là que c'est un égaré ou un innovateur ou quelqu'un qui est dévié ou des choses comme ça. Et tu ne vas pas... Et qu'est-ce que tu vas dire quand tu veux lui répondre, ou quand tu veux clarifier ta position? tu vas dire qu'est-ce qui est correct pour nous, c'est la suivante. Hein? Ou qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qui est correct pour nous dans ces questions-là, c'est qu'est-ce qui suit. Et tu vas dire, et le cheikh il dit, voilà, sabil al-mithal, donc il donne des exemples. Hein? Il dit, comme exemple, hein, le fait de par exemple, qu'on considère qu'il y a un ordre à suivre dans le wudu, pour faire le wudu. Hein? Un ordre dans le fait de laver les membres qui sont ordonnés de laver dans le wudu. Hein? La séquence à suivre pour le wudu. Le cheikh, il dit que le jumhur, c'est-à-dire la position de la majorité des savants, il considère que c'est obligatoire de respecter l'ordre pour faire ton wudu. Hein? Et que si tu ne respectes pas l'ordre, hein, c'est pas correct. Et parmi les savants qui ont cette position, parmi les ulama, il y a par exemple Imam Ahmed et ses compagnons. Eux, ils considèrent que de respecter l'ordre et la séquence dans le wudu, c'est obligatoire. Hein, rahimahumullah. Tandis que les gens du mazhab Hanafi, hein, et ceux qui sont d'accord avec eux, les Ahnaf, eux, ils disent que ce n'est pas obligatoire de respecter un ordre. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, nous, on réfute et on répond aux Ahnaf, mais sans leur faire de blâme ou de réprimande. Et sans parler avec dureté, hein, contre eux. Plutôt, lorsqu'on les réfute, ou lorsqu'on mentionne la position par rapport à cette question, on va dire la position la plus correcte pour nous, c'est celle-ci. Ou bien, yani, la position la plus correcte entre les deux positions, c'est la position qui mentionne que c'est obligatoire. Hein? On mentionne les choses de cette façon. Et lorsque vous allez lire les livres de fiqh, c'est comme ça que vous voyez comme quand les ulama de fiqh, quand ils parlent des questions d'ijtihad, quand il y a des divergences, ils vont citer les divergences parfois, ou bien parfois ils vont citer tel savant a dit ça, l'imam Ahmed a dit ceci, l'imam Abu Hanifa ou bien les Ahnaf, eux ils ont dit ça, mais la position correcte qui est supportée par les preuves et qui est plus solide, c'est celle-ci. Hein? Sans attaquer, sans critiquer ceux qui ont la position contraire. Hein? Donc ça, c'est un exemple que le cheikh il donne. Et on remarque, juste par rapport à ce que le cheikh il dit ici, que cette attitude-là, c'est dans les questions dans lesquelles il peut y avoir l'ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte explicite et clair qui mentionne la chose, hein, ou bien qu'il y a des textes qui peuvent impliquer plus qu'une signification dans la langue arabe et qui peuvent être valables toutes. Hein. Mais qu'il y en a une qui est plus proche de la vérité que l'autre. Donc dans ce cas-là, on doit s'accrocher à la preuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez en une position, en quelque chose, en une chose quelconque, alors ramenez-la à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Donc, on ramène une divergence à Allah et à son messager. Il y a des gens de Hizbiyya ou des gens de Bid'a à notre époque, ils veulent appliquer cette attitude-là avec les gens qui opposent dans les questions sur lesquelles on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, comme dans les fondements de l'aqida, dans les fondements et les principes du manhaj, hein, et dans les questions d'ijma'. Ils veulent appliquer cette règle-là, hein, pour dire qu'on doit accepter toutes les divergences. Hein? Et c'est là que ça crée un problème. Parce qu'on ne peut pas appliquer ça, cette attitude-là, on ne peut pas l'appliquer dans les fondements de la religion. Et c'est pour ça qu'on critique, et que même le cheikh il le mentionne souvent, que les Ikhwan, par exemple, quand ils disent « on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a divergence, puis on collabore et on travaille ensemble dans les choses sur lesquelles on est d'accord », hein? On ne peut pas appliquer cette règle dans les fondements de l'aqida, dans les principes du manhaj et dans les bases de l'islam, dans les questions sur lesquelles il y a l'ijma entre les imams des salafs et les imams de la religion. Hein? Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va accepter même le kufr et l'égarement et les bid'a et tout ce qui est contraire à la vérité. Et on va s'excuser sur ces choses-là. Donc ça, c'est pas acceptable. Hein? C'est possible de le faire dans les questions d'ijtihad qui ont rapport avec des questions sur lesquelles il y a pas de texte explicite, il y a pas de texte clair, ça fait pas partie des fondements. Les ulama, ils ont divergé dans leur compréhension de ces textes-là à cause justement que la signification du hadith, elle peut impliquer plus qu'une seule signification correcte. Donc dans des cas comme ça, oui, mais pas dans l'autre cas. Et c'est ça qu'on explique. Et c'est pour ça que les ulama comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, il a divisé la divergence en Ikhtilaf Tanawwu' et Ikhtilaf al-Tadad. Ça, c'est un autre exemple pour dire qu'il y a des divergences. Il y a des divergences dans lesquelles, si tu rentres dans cette divergence-là, c'est une divergence dans laquelle il y a une opposition qui va impliquer une contradiction, hein, et qu'il ne peut pas y avoir plusieurs choix dans cette divergence-là. C'est soit que c'est vrai ou faux, parce que les preuves ou les choses sont en opposition totale, elles s'opposent et se confrontent. Hein, dans des cas comme ça, on ne peut pas accepter cette divergence-là. Tandis que si c'est des divergences, comme on dit, tanawwu', et bien là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs divergences, mais il y a plusieurs options possibles dans cette divergence-là, puisque il y a, par exemple, l'exemple du professeur Al-Sallam, plusieurs façons de faire qu'il nous a enseigné, et on a le choix entre ces différentes façons-là. Ça, c'est une divergence dans laquelle on peut choisir celle qui est offerte parmi les options, parce que il n'y a pas une qui est contradictoire à l'autre. Il n'y en a pas une qui est contradictoire à l'autre. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce cas-là. Bon, on va revenir maintenant à l'autre exemple que Cheikh Ubayd il mentionne. Il dit Wa mithalun akhar تارك الصلاة متهاونا فالجمهور على أنه فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا حكمه حكم غيره من الفساق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله وهذا قول الزهري ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد وكذلك قال به غير هؤلاء الجمهور كما قدمت لكم والرواية الثانية عن الإمام أحمد وعليها محققون أئمة ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه المحقق المدقق المجتهد رحمه الله على أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرثه المسلمون من أهله وماله في يصرفه الحاكم في مصارف العامة للمسلمين فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليهم لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج وكذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة لماذا؟ لأن الكل عنده أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه. Donc ça, c'est une question très très importante que le cheikh il mentionne ici comme exemple. Et il dit, un autre exemple, c'est l'exemple de la personne qui abandonne la salat par négligence. La personne qui abandonne la salat par négligence. La majorité des ulama, il mentionne que cette personne qui abandonne la salat par négligence, pas parce que yani, il nie son obligation, mais par paresse, hein, par manque d'intérêt, manque d'attention, manque d'intérêt, hein, ou négligence. La majorité des savants, ils considèrent qu'il est fasiq, c'est-à-dire que c'est un pécheur, mais ils ne considèrent pas qu'il est mécréant. Ils disent qu'il faut l'appeler à se repentir. S'il se repent, hein, c'est, donc dans ce cas-là, il sera correct, hein, il sera musulman, hein, il ne sera pas puni. Mais s'il refuse de se repentir, il sera exécuté, hein, il sera tout de même exécuté, mais son exécution sera une exécution qui est une peine, hein, une peine pour lui. Il ne sera pas exécuté à cause de sa mécréance, mais à cause de son péché. Hein? Donc, dans l'islam, la punition pour celui qui abandonne la salat, même s'il reconnaît son obligation et il la délaisse par négligence, c'est qu'il doit revenir à la prière. On l'appelle à revenir. S'il refuse de revenir, il va être exécuté. Mais il ne va pas être exécuté en tant que mécréant. En tant qu'apostat, il va être exécuté en tant que pécheur, en tant que musulman pécheur. C'est-à-dire qu'on va quand même le laver, on va le laver et puis faire tous les rituels qu'on fait pour le mort dans l'islam selon les règles de la charia. Hein? Et on va prier sur lui, et on va faire des doigts pour lui, et on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et les musulmans de sa famille vont hériter de lui. Hein? Ça, c'est la position de plusieurs imams parmi les salafs, comme l'imam Az-Zuhri et l'imam Malik. Et c'est également une narration parmi les paroles de l'imam Ahmad. Hein? C'est une de ces narrations qui montre qu'il a cette opinion-là lui aussi. Et de même que d'autres que ces grands savants-là, parmi le Jumhur, la majorité des savants, c'est ça leur position, qu'il ne devient pas mécréant parce qu'il a négligé la salat. Tandis que dans une autre narration, l'imam Ahmed a dit que s'il abandonne, il devient mécréant. Même s'il reconnaît son obligation, il considère que s'il néglige la prière ou il l'abandonne par négligence, il devient mécréant. Et ça, c'est la deuxième narration de l'imam Ahmed à ce sujet-là. Et il y a sur cette position-là plusieurs savants parmi les muhakkikoun, c'est-à-dire ceux qui ont fait de la vérification et qui sont retournés analyser les preuves et les positions des ulama sur ces questions-là. Et parmi eux, il y a par exemple l'imam Abdul Aziz ibn Baz, hein, le grand imam Asari, celui qui s'accroche aux traditions et aux narrations, qui était mujtahid. Hein, c'est un mujtahid, dans le sens qu'il analyse les preuves et yani, il prend la position selon le dalil et non pas en suivant aveuglément la position d'un madhab ou d'un imam. Et également le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui était un grand savant de fiqh et un muhakkik aussi, et un mudakkik, c'est-à-dire il analysait les choses de façon très subtile et très détaillée. Il rentrait dans les détails dans ses analyses. Et il était également mujtahid. Hein? Il ne prend pas selon un madhab, mais il regarde selon les preuves et il suit sans faire de taqlid, c'est-à-dire sans suivre aveuglément une position ou un madhab. Il dit que lui aussi, hein, ces deux-là par exemple, considèrent que celui qui abandonne la salat par négligence, il est kafir. Donc ils vont l'appeler à se repentir. Hein, s'il se repent, donc il sera comme tout le monde, comme tous les autres musulmans. Toutefois, s'il refuse de se repentir, eh bien, il considère qu'il doit être exécuté et son exécution sera une exécution par rapport à son apostasie et sa mécréance. Et ça, ça implique quoi? La différence avec la première position. Dans les deux cas, ils sont exécutés s'ils refusent de se repentir et de revenir à la salat. Dans les deux cas. Sauf que c'est qu'est-ce qui suit qui fait la différence. C'est-à-dire que s'il est exécuté en tant qu'apostat, en tant que mécréant, eh bien, il n'aura pas le même statut. C'est-à-dire qu'on ne va pas le laver. On ne va pas faire les rituels d'embaumement et autres pour lui. On ne va pas prier sur lui. On ne va pas faire d'invocation pour lui. Et sa famille, les musulmans de sa famille ne vont pas hériter de lui. Son argent ou ses biens vont être comme un butin que le dirigeant musulman va dépenser dans les dépenses générales des musulmans. Et le cheikh il dit, si tu regardes dans la situation de ces deux groupes d'imams et de savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, tu vas pas trouver que ceux qui déclarent les gens qui négligent la salat ou qui ont abandonné la salat par négligence, qu'ils vont le décrire comme étant qu'ils vont décrire ceux qui c'est-à-dire les savants qui disent que c'est un péché et que celui qui abandonne la salat par négligence n'est pas mécréant, ils vont pas décrire ceux qui déclarent mécréant celui qui abandonne la prière par négligence comme étant un khariji ou comme faisant partie des khawarij. C'est-à-dire que les savants qui disent d'abandonner la salat par négligence, c'est un péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Eux, ils ne disent pas de ceux qui disent que d'abandonner la prière, c'est kouf. Ils ne vont pas dire que parce qu'ils disent que c'est kouf, que c'est des khawarij. Et de l'autre côté, la même chose. Ceux qui déclarent que celui qui abandonne la salat par négligence est kafir, ils ne vont pas décrire ceux qui disent que c'est un péché et que ça ne fait pas devenir kafir. Ils ne vont pas dire eux, ce sont des murji'a, parce qu'ils ne font pas le takfir de celui qui abandonne la salat. Par exemple, pour vous donner un exemple plus clair. Par exemple, Cheikh Ibn Baz, il disait que si tu abandonnes la salat par paresse ou par négligence, tu deviens kafir. Et Cheikh Al-Albani, il disait que si tu abandonnes la prière par négligence, tu n'es pas kafir. Donc, Cheikh Al-Albani, il disait pas que Cheikh Al-Albani, il disait pas que Cheikh Ibn Baz est un khariji parce qu'il faisait le takfir, et Cheikh Ibn Baz faisait pas le, et il ne disait pas de Cheikh Al-Albani que c'est un murji parce que lui faisait pas le takfir. Ils se considéraient pas les uns les autres comme étant des innovateurs. Ça c'est même à l'époque des salafs, c'était comme ça. Ceux qui disent kafir, on dit pas que c'est des khawarij, et ceux qui disent pas kafir, on dit pas que c'est des murji'a. Contrairement aux khawarij et contrairement aux murji'a. Les khawarij traitent de murji ceux qui font pas le takfir, et les murji'a traitent de khawarij ceux qui déclare kafir celui qui abandonne la salat par négligence. Mais les gens de Ahl Sunna, ils ne traitent ni un ni l'autre de dégaré ou de mubtadi. Ils considèrent que tous les deux sont parmi les gens de Ahl Sunna wal Jama'a dans ces positions-là. Et le cheikh il dit pourquoi il n'y a pas de tabdi' ni d'un côté ni de l'autre. C'est parce que pour eux, il dit, c'est parce que chacun d'entre eux ont des preuves solides et fortes auxquelles ils reviennent dans ce fondement-là, dans lequel il a pris comme position. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ne peuvent pas se déclarer innovateurs les uns les autres dans cette question-là, parce qu'il y a des preuves fortes et solides des deux côtés. Donc ça, c'est très important de comprendre. Après, le cheikh, il dit, parce qu'à notre époque, c'est ça que tu vois de la part des Haddadiyah. Les Haddadiyah, ils vont, par exemple, aller vers ces questions-là, puis ils vont traiter de murji toute personne qui ne déclare pas kafir, celui qui a abandonné la prière par négligence, par exemple. Donc ça, c'est un exemple d'extrémisme et d'égarement. Hein? C'est la position, en fait, des takfiriyun. Ok. Le cheikh, il dit ensuite, « Baqiya an akul, هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا وهذا هذا أرى أن يناصح وأن يبين له خطأه فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه فإنهم يناصحونه ويبينون له وسوف ترده السنة إن شاء الله تعالى. هذا الألباني رحمه الله وسائر أئمة المسلمين وأهل السنة أهل السنة والهدى رحمهم الله يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يجوز لها كشفه. والشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرون خلاف ذلك، ولكن لم يشنعوا عليه، وأهل العلم يردون على الشيخ ناصر رحمه الله من غير تشنيع عليه ولا تثريب ولا شطط. الشيخ الزي ما يغسط que je vous dise une chose. Ce grand savant, si un grand savant, par exemple, il fait une erreur dans une question que vous considérez comme étant correcte, c'est-à-dire, il fait une erreur dans une position et vous considérez que sa position, c'est pas celle qui est plus proche de la vérité. Vous considérez qu'il a contredit dans cette question-là et que sa position à lui, elle n'est pas plus proche de la vérité que celle que vous avez choisie. Dans ce cas-là, il dit, je considère que vous devez donner la nasiha à cette personne et lui expliquer et lui clarifier son erreur. Si il ne l'accepte pas de votre part, dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer ou faire monter l'affaire à des savants qui sont plus grands que vous et plus grands que lui. Et eux vont lui faire le bon conseil et vont lui clarifier. Et il va revenir à la sunna. Ou bien la sunna va le réfuter, incha'Allah. Et il dit, par exemple, Cheikh Al-Albani, de même que, yani, que Allah lui fasse miséricorde et fasse miséricorde à tous les autres imams parmi les musulmans de Ahl al-Sunna et de la guidance, que Allah leur fasse miséricorde à tous. Il considérait, Cheikh Al-Albani, que le visage de la femme ne fait pas partie de la aura, que ce n'était pas parmi les éléments du corps de la femme qu'il est obligatoire de cacher des hommes qui sont étrangers à elle. Et il considérait que c'était permis pour elle de le dévoiler. Comme le cheikh il ne le mentionne pas, mais bien entendu, il considérait que c'était préférable quand même pour la femme de le faire. Donc, le cheikh, il dit, tandis que cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah, et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, eux considéraient le contraire de ça. Mais ils n'ont jamais dénigré cheikh al-Albani pour sa position. Il dit, ils l'ont réfuté, ils ont réfuté cheikh Nasser, rahimahullah, mais sans le blâmer, sans le dénigrer, sans lui faire de réprimande ou d'abus. Et il dit le cheikh, وكذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق ويستدل له ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثربون عليه ويقولون أخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا والصواب كذا وهكذا بارك الله فيك. أهل العلم يوقر بعضهم بعضا وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف فتفطنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء. Donc le Cheikh il dit, de même que également Cheikh Al-Albani rahimahullah, il considérait qu'il est que l'or, les bijoux en or qui sont de forme circulaire, hein, de forme circulaire, c'est-à-dire qui formaient un cercle, il considérait que c'était interdit. Et il ramenait à ce sujet-là ses preuves. Il ramenait ses preuves à ce sujet-là. Et je me souviens que parmi nos ulama, il y en a parmi nos ulama qui disaient, Cheikh Al-Albani, il a fait une erreur dans cette question-là. Et qu'est-ce qui est correct? C'est ceci. Mais il ne le blâmait pas, il ne le dénigrait pas, et ainsi de suite. Il ne faisait pas de réprimande. Hein? Il faisait juste clarifier que le cheikh a fait erreur dans cette question, et que qu'est-ce qui est correct, c'est ceci ou ceci. Barakallahu fikum. Donc, les hommes de science, ils se respectent les uns les autres, hein, quand c'est des questions d'ijtihad ou des choses comme ça. Et je vous ai déjà donné la balance par laquelle vous pouvez connaître, hein, les paroles maintenant des imams et de nos ulama et de nos imams dans les questions qui ont rapport avec les erreurs et les personnes qui commettent ces erreurs-là. Donc, maintenant, Yannis, réfléchissez bien sur ces questions-là et Yannis, comprenez-les comme il faut. Hein? Il dit فَتَفَطَّنُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى حَدٍ سَوَى. Donc comprenez-les, parce que les choses ne sont pas toutes à égalité. Il faut prendre en considération, comme le cheikh a dit, l'erreur elle-même. Est-ce que c'est parmi les choses dans lesquelles on peut faire l'ijtihad ou non, hein? Donc si la personne a contredit dans ces questions-là, il y a un verdict. Si c'est dans l'autre, il y a un verdict. Et par rapport à la personne elle-même, donc on distingue si la personne elle rejette la vérité par arrogance et fierté et ainsi de suite, ou bien si elle a fait une erreur ou que quand on lui explique la vérité elle revient, et elle, ou bien elle est morte, elle a fait ces erreurs là hein. La deuxième question qui a été posée au Cheikh Ubaid, Ahsanallahu ilaykum wa baraka fikum, hadha sa'ilun yas'al ويقول كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. Donc on a posé la deuxième question au cheikh, le questionneur pose la question: comment doit-on agir avec les gens de bid'a et de passion sur le plan de la religion et sur le plan de la dunya? Donc le cheikh il répond. Et il dit, premièrement, il dit, أولاً, أهل السنة عندهم ميزان مستقيم. أي نعم. ومنهج سليم. فهم يبغضون البدع ويستنكرونها. وكذلك يبغضون المبتدع الذين يدعون إلى بدعهم. وينافحون عنها وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم. ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. Donc le cheikh il commence à répondre à cette question là en disant, premièrement, les gens de la sunna, ils ont une balance qui est droite. Ils ont une balance qui est établie, qui est claire dans cette question-là, qui est droite, et une méthodologie qui est saine et propre. Et ils détestent les gens de bid'ah. Et il les condamne, les gens de bid'a, et il déteste les gens de bid'a qui appellent à leur bid'a et qui invitent à leur bid'a et qui propagent leur bid'a, et il les déteste avec toute leur force, hein, et avec ce qu'ils sont capables d'utiliser comme moyen pour mettre en garde contre eux et contre le fait de s'asseoir avec eux, de les côtoyer ou de débattre avec eux. Donc ils ne discutent pas avec les gens de bid'a. Et parmi les exemples des salaf à ce sujet-là, il y a ce qui a été rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana Al-Kubra. Selon Ayyub As-Sirtiyani, un des imams des salaf, il dit Abu Qilaba m'a dit, ô Ayyub, préserve quatre choses, ou garde de moi quatre choses, mémorise de moi quatre choses. Ne dis pas quoi que ce soit du Coran avec ton opinion ou ta raison. Hein? Parle pas du Coran avec ta raison. Et fais attention à la question du qadar, de la prédestination. Hein? Fais attention de ne pas rentrer dans les questions du qadar. Et il dit, et si on mentionne les compagnons du messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, retiens-toi. C'est-à-dire, retiens-toi de dire du mal d'eux. ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك. Et ne laisse pas tes oreilles, ne prête pas tes oreilles aux gens de la passion. Ne prête pas tes oreilles aux gens de la passion parce qu'ils vont y jeter ce qu'ils veulent ou bien ils vont y mettre ce qu'ils veulent. Donc les salafs mettaient en garde même contre le fait d'écouter les gens de bid'a et de s'asseoir avec eux. Il dit warawa wa ruya an Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah wa rahimallahu al-jami' qal la tujalis maftunan fa innahu lan yukhti'aka minhu ihda ithnatayn imma an yuftinaka fatutabi'ahu aw qal fatattabi'uhu أو يؤذيك قبل أن تفارقه. Donc le cheikh il a dit que il a été rapporté selon Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah, et qu'Allah fasse miséricorde à tous, il a dit ne t'assois pas avec quelqu'un qui a été éprouvé par une bid'a, quelque chose comme ça, parce que sinon une des deux choses suivantes risque de ne pas te manquer, une des choses suivantes risque de t'arriver. Soit que tu vas être, yani, tu vas le suivre dans sa fitna, dans sa bid'a, il va te donner sa fitna, alors tu vas le suivre dedans, ou bien il va te faire du tort avant que tu te sépares de lui, ou avant que tu le quittes. Donc soit c'est une des choses suivantes, soit que tu vas le suivre, ou soit qu'il va te causer du tort avant que tu le quittes. Et le cheikh il dit, وَنَقْلُ عَنْ هَاُولَا الْأَئِمَّةِ بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين يحذرون هذا التحذير وينكرون هذا النكير الشديد لأن المقصود تصفية السنة من البدعة أو من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة ولهذا هم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت لأن الساكت La yadurru ahadan, yadurru nafsa. Donc le cheikh il dit, et les citations de la part de ces imams, en commençant par les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et de même que ceux qui sont venus après eux, parmi les imams des tabi'in, ils ont toujours averti de cette façon, et condamné de cette façon sévère. Les gens de bid'a et le fait de s'asseoir avec les gens de bid'a. Et le but de ça, c'est de purifier la sunna de toutes les innovations et de toutes les choses inventées dans la religion pour préserver les gens de la sunna, les protéger du danger des mubtadi'a, les gens de l'innovation. Et c'est pour ça qu'ils font une distinction entre l'innovateur, le mubtadi'a qui appelle à sa bid'a, et celui qui se tait. Parce que celui qui se tait, il ne fait pas de tort à personne, il ne fait du tort qu'à lui-même. Et le cheikh il dit وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلالات حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. Donc le cheikh il dit, si ce sont des gens de Ahl Sunna, donc on voit que les gens de la Sunna, ils sont avec cette dureté et avec cette force contre les gens de Bid'a et d'égarement. Et ça, c'est, ils étaient comme ça, les gens de la Sunna, lorsqu'ils avaient la force et lorsqu'ils avaient du poids dans la société. Donc, dans ce cas-là, ils agissent de cette façon-là avec les gens de Bid'a et avec la Bid'a parce qu'ils ont la force dans la société, donc ils l'appliquent avec toute leur force. Tandis que s'ils sont faibles dans la société et qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune capacité de changer quoi que ce soit, et aucune force, et que la force est entre les mains des gens de Bid'a, et que c'est eux qui ont la force et c'est eux qui ont le poids, alors dans ce cas-là, ils utilisent la sagesse et ils se limitent uniquement à mettre en garde contre les innovations et contre les choses inventées dans la religion d'Allah. Donc le cheikh il dit ensuite فالله الله يا أبنائنا في المغرب العربي وفي جميع أنحاء المسلمين إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا المنهج عليكم بالحكمة فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم القوة وتكون لهم قوة ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس وهذا أول ما أوصيكم به. Donc le cheikh il explique que il dit donc je vous incite à craindre Allah, mes fils qui sont dans le Maghreb arabe, parce que la conférence était donnée aux gens du Maghreb, et à tous les musulmans dans toutes les régions du monde. Il dit, je vous avertis de prendre garde de ne pas contredire cette méthodologie-là. Et je vous enjoins d'avoir et d'utiliser la sagesse. Parce que vos salafs, vos prédécesseurs, ils utilisaient la dureté là où rien d'autre pouvait être profitable ou bénéfique, excepté la dureté, et qu'ils avaient la force. Et ils utilisaient la douceur là où rien d'autre ne pouvait être utile que la douceur. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de notre situation et utiliser les moyens nécessaires en conséquence. Et le cheikh il dit وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. Donc c'est de cette façon qu'on peut comprendre la parole de Ibn Sirin et d'autres également parmi les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, lorsqu'il a dit Ibn Sirin et d'autres, vous les gens de la Sunna, soyez doux parce que vous êtes les gens les moins nombreux parmi les gens. Donc ça c'est ce que je voulais vous donner comme conseil en premier. Donc c'est-à-dire que les gens de la Sunna sont toujours, en général, sont souvent les gens qui sont minoritaires. Donc soyez doux, parce que vous avez besoin de la sagesse dans des situations comme ça, lorsque vous êtes faibles ou peu nombreux. Et deuxièmement, le cheikh il dit, usikum ya abna'ana fil maghrib al arabi ya abna'ana min al muslimin alladhina tasil ilayhim hadhihi al risala al musajjala usikum bil iqbal ala al ilm al shar'i wal ilm al shar'i ma huwa huwa fiqh al kitab wal sunnah وفق سيرة السلف الصالح ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والتوحيد لابن مندة والإيمان له والتوحيد لابن خزيمة والإبانة الكبرى لابن بطة العقبري وشرح أصول السنة لللالكائي ومكتبة الشيخ الإسلام ابن تيمية ومكتبة الشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ومكتبة الشيخ الإسلام المجدد الثالث في هذه الجزيرة حسب ما علمناه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. Le cheikh dit, deuxièmement, je vous enjoins, ô mes fils, dans le Maghreb arabe, de même que tous mes fils parmi les musulmans à qui ce message enregistré va parvenir, je vous enjoins à vous tourner vers la science de la charia, la science de la religion et de la connaissance et le savoir de la religion. Et qu'est-ce que c'est la science de la religion? Il dit c'est de comprendre le Coran et la Sunna selon la voie et l'exemple des salaf al-salih. Et parmi ce que je vous enjoins comme exemple de livre pour justement avoir cette compréhension-là, les livres de la croyance, les livres que les imams des salaf ont écrits, comme As-Sunna du fils de l'imam Ahmad, As-Sunna de Ibn Abi Asim et As-Sunna de l'imam Al-Khalal et At-Tawhid de Ibn Manda et le livre Al-Iman qu'il a écrit également et le livre At-Tawhid de Ibn Khuzayma et Al-Iban Al-Kubra de Ibn Batta et Sharh Usul As-Sunna de Al-Lalakai et les livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Al-Qayyim et les livres de l'imam Mujaddid, le troisième Mujaddid, c'est-à-dire celui qui a réformé cette péninsule arabe selon ce qu'on a su, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et ainsi que d'autres livres de cette catégorie-là ou de ce genre-là qui nous ont transmis les fondements de la religion et les branches de façon fiable et honnête et vérifiée. Ensuite il dit, en ce qui concerne les livres de hadith, il dit ومن كتب الحديث الكتب الستة المعروفة ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي الدارقطني ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وما شابهها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. Donc pour les livres de hadith, les six livres, ce qu'on appelle الكتب الستة, البخاري, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Ça, c'est les six. Et après, la Musnad de l'imam Ahmad, Sunan de Ad-Darimi, la Muwatta de l'imam Malik, Sunan de l'imam Ad-Darqutni, Al-Mustadrak de l'imam Hakim, et Sahih ibn Hibban, et les autres livres que les savants ont écrits, que la Umma a accepté, parmi les livres de hadith aussi. Je vais traduire directement les noms parce que sinon ça fait une répétition. Les livres de tafsir, comme Tafsir ibn Jarir, Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Abi Hatim al-Mawjoud qui est présent, Tafsir al-Baghawi, Tafsir al-Qurtubi qui est très bon dans la langue arabe et dans le fiqh. En ce qui concerne dans l'aqida, ce qui est apparent à mon sujet, c'est qu'il a des falsifications des attributs qu'il faut faire attention. Donc l'imam al-Qurtubi, il a des ta'wilat qui ne sont pas corrects dans l'aqidah, donc il faut faire attention. et Tafsir Ibn Tafsir al-Sa'di, et ça c'est un savant, un grand savant contemporain, hein, Tafsir al-Sa'di. Ensuite il dit wa min kutub al-fiqh al-mukhtasarat indana. Donc il donne les livres de fiqh, il y a les résumés de fiqh qui sont connus chez nous, c'est-à-dire les livres des Hanabila dans le madhhab al-Hanbali, Umdatul Fiqh de Ibn Qudama, Manhaj al-Salikin de Ibn al-Sa'di, Manar al-Sabil d'Ibn Dawan, Douyan, pardon. Et parmi les livres qui sont plus détaillés, qui sont plus longs, les encyclopédies dans le fiqh, Al-Mughni de Ibn Qudama, Al-Majmu' de l'imam al-Nawawi, Al-Mudawwana de Sahnoun dans le madhhab maliki. Qu'Allah fasse à tous à tous ceux-là la miséricorde. Et il y en a beaucoup d'autres également. Le cheikh il dit وَكَذَلِكَ أُحَذِّرُكُمْ مِنَ الْكُتُبَ الْفِكْرِيَةِ. Il dit je vous mets en garde également contre les livres d'idéologie, de pensée. Qu'est-ce qu'ils appellent les livres de pensée islamique, entre guillemets, hein? Cheikh il dit وَعَلَى رَأْسِ مَنْ وَعَلَى رَأْسِ مَا نُحَذِّرْ مِنْهُ كُتُبْ الْغَزَالِ الْمِصْرِ السَّقَى. À la tête des livres contre lesquels je vous mets en garde, il y a les livres de Al-Ghazali, l'Égyptien, hein? Et il dit كُتُبْ يُوسُفْ ابن عبدالله القرداوي المقيم في قطر. Également, je vous mets en garde contre les livres de Youssouf ibn Abdullah al-Qardawi qui était installé au Qatar. Hein? Il dit ensuite wa kutub Sayyid Qutb la siyama ma'alim fi at-tariq fa innahu yandahu bit-takfir fi wa tafsiruhu fa innahu mali'un bid-dalalat wa kutubuhu kulluha dalal. Donc, le cheikh dit également, je vous mets en garde contre les livres de Sayyid Qutb, et en particulier le livre qu'on appelle Ma'alim fi at-tariq, c'est-à-dire comment on l'a traduit, celui-là, j'ai oublié le terme qu'ils ont utilisé pour Ma'alim. En tout cas, Ma'alim, c'est comme pour dire les signes sur le chemin ou sur la route. Mais il parle des bornes, des pancartes sur la route. Il y a un nom par lequel ils l'ont traduit en français, ce livre-là. En tout cas, c'est pour dire que ce livre-là en particulier, faites attention parce qu'il est rempli de takfir. De même que son tafsir, Dilal al-Qur'an, il est rempli d'égarements. Hein? Et tous ces livres sont de l'égarement, de toute façon, Sayyid Qutb. Donc, ces livres-là, le cheikh il met en garde contre les livres de Sayyid Qutb. Il met également en garde contre les livres de al-Nadawi. Hein? Et contre les livres de Al-Mawdoudi, hein, et tous les livres des Ikhwan, tous les prêcheurs des Ikhwan ou les penseurs des Ikhwan, yani, ils rentrent dans ça. Puis je pourrais en citer quelques-uns, c'est la même chose. On peut faire rentrer les livres de Tariq Ramadan là-dedans, et on peut faire rentrer les livres de Saïd Hawa, puis tous ces prêcheurs des Ikhwan, yani, ils rentrent dans cette catégorie-là. Il dit فإنها حرف أو انحراف بالمسلم من السنة إلى البدعة والمحدثات إذا تتلمذ عليها وجعل ما فيها دينا يدين الله به. Donc le cheikh il dit c'est des livres qui vont égarer et faire dévier le musulman de la sunna vers la bid'a et vers les innovations si la personne prend ces livres là pour étudier avec. Et elle va. Et si la personne étudie avec ces livres-là, elle va le faire sortir de la sunna vers la bid'a. Et, c'est-à-dire, s'il prend ces livres-là comme livre de référence pour connaître sa religion et pour adorer Allah, eh bien, il va s'égarer. Il va quitter la sunna, il va rentrer dans la bid'a. Donc, c'est très grave. Et, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans ces livres-là seulement, et qui connaissent que ces livres-là, et qui ne connaissent même pas les livres des ulama de Ahl al-Sunnah et les imams des salafs. Donc, ils n'ont jamais lu les livres des salafs, et ils n'ont pas compris les fondements de l'islam, et qu'ils n'ont lu que ces livres des soi-disant penseurs islamiques. C'est pour ça qu'ils sont complètement déviés. Troisièmement, le cheikh il dit, « Salisan, alaykum mulazamat ahl al-ilm alladhina araftum wa arafa al-nas ghayrakum minhum al-istiqama ala al-sunnah. » وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والذب عنها والذب عن أهلها من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه وإن لم تستطيعوا أو أنا نعم وإن لم تستطيعوا أو أشرطته ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة إن شاء الله. Donc troisièmement, je vous enjoins de vous accrocher, de rester avec les hommes de science que vous avez connus, hein, et que les gens autres que vous ont connus comme étant sur la droiture et sur la sunna, et comme étant des défenseurs de la sunna, hein, et les défenseurs des gens de la sunna. Il y a des gens qui incitent les gens à s'accrocher à la sunna et qui invitent à la sunna et aux gens de la sunna. Accrochez-vous à ceux-là. Ceux d'entre eux qui sont vivants, eh bien, restez avec eux en vous assoyant auprès d'eux pour prendre votre religion. Hein, et si vous n'êtes pas capable de prendre d'eux directement en vous assoyant avec eux, dans ce cas-là, par leurs livres ou bien par leur cassette. Bil akhdhi min kutubihi in lam tastati'u aw ashritatihi. Et il dit, et ceux d'entre eux qui sont morts, eh bien, vous profitez d'eux par rapport à ce qu'ils ont laissé comme livre bénéfique. Hein, bien, il y a des cassettes bénéfiques aussi, hein, qui sont maintenant disponibles de la part des grands savants. Et il dit, si c'est des livres bénéfiques qu'ils ont laissés, qui sont sur la sunna, inshallah. Donc, vous vous accrochez à ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, inshallah, on va faire un livre de fiqh. On va faire un cours sur le fiqh. Et on se retrouve demain pour le cours de fiqh. Samedi et dimanche, c'est les cours habituels. Samedi, c'est Al-Wala Al-Bara. Dimanche, ce sera Al-Fatwa Al-Hamawiyya avec le Sharh de Sheikh Al-Fawzan. Et lundi, on va reprendre le cours 2 de ce livre. Lundi et mardi et mercredi. On va continuer dans l'explication de ce livre, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de profiter de ce livre, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir et de préserver et de faire miséricorde au Cheikh Ubayd al-Jabiri, et alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala prolonge sa vie dans le bien et qu'il nous fasse profiter de lui encore de nombreuses années dans la piété et dans la défense de la sunna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.